السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن من دواعي السرور أن أكون معكم في بيت من بيوت الله لنتفقه في ديننا ولنتذاكر. فنحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه الكثيرة ونعمه الجسيمة. والأمر كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان على نعمة التوحيد على نعمة القرآن. ومن أعظم هذه النعم التي تستحق منا الشكر نعمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. Chers frères, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète et messager, je disais que parmi les choses qui me réjouissent, il y a le fait de me trouver ici parmi vous, dans l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée. La mosquée. Et ce, afin d'apprendre notre religion et de nous rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muawiyah radiallahu anhu un jour est sorti à la mosquée. Il a trouvé certains de ses compagnons unis dans la mosquée. Il leur a demandé: ma ajlasakum, quelle est la cause de votre réunion? Ils ont répondu: jalasna nadhkurullah wa natadhakkar ma manna Allahu alayna من نعمة الإسلام. وذكروا أشياء. فقال لهم: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال: أما إني لم أسألكم تهمة بكم ولم أستحلفكم تهمة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج يوما إلينا ونحن مجتمعين في المسجد فقال لنا: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا بنا من أو ما من الله علينا من نعمة الإسلام. وذكروا أشياء. فقال لهم الرسول: اللهم أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: اللهم جلسنا إلا لأجل ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة بكم ولكن جبريل أتاني فقال لي: إن الله يباهي بكم الملائكة. فهذا حديث عظيم. معاوية رضي الله عنه un jour est sorti à la mosquée, a vu ses compagnons réunis et leur a demandé: quelle est la cause de votre union ici? Ils ont dit: nous sommes assis afin de nous rappeler les bienfaits d'Allah. et sa grande grâce sur nous lorsqu'il nous a guidés à l'islam. Alors Muawiyah radiallahu anhu leur a dit: par Allah, ceci est la cause de votre réunion. Et ils ont répondu: par Allah, nous ne sommes assis que pour cela. Il leur a dit: sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'ai eu un doute sur vous. Et ça n'est pas pour vous accuser d'un mal. Mais alors que nous étions assis et réunis dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et nous a dit: qu'est-ce qui vous a réuni? Nous avons répondu: nous sommes assis afin de louer Allah, de nous rappeler d'Allah et du bienfait qu'il nous a fait et par lequel il nous a comblé lorsqu'il nous a guidé à l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: par Allah, cela est la cause de votre réunion. Nous avons répondu: wallahi, cela est la cause de notre réunion. Alors il nous a dit ensuite: je ne vous ai pas fait jurer car j'ai eu un doute sur vous. Mais Jibril alayhi salam est venu et m'a informé que Allah est en train de se vanter de vous auprès des anges. Pourquoi cela? Car ils étaient réunis dans une mosquée, dans une assise de rappel, dans une assise de science. On a Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila kulli khayr wa an yaj'ala hadha al-majlis li mukhlishan li wajhi al-karim subhanahu wa ta'ala. Faqad qala kama thabata min hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Allah tabaraka wa ta'ala qala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادرين فيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة أو هذا المجلس لأجله سبحانه وتعالى. شيخ، تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، بل أوجدنا من العدم لغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق عبادته سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له. فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Vous savez tous qu'Allah ne nous a pas créés en vain, sans but. Il nous a créés pour que nous l'adorions seul d'un culte sincère. Il nous dit dans son livre: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et voici le droit le plus immense, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture avec Mu'adh et il lui a dit: ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Al-hadith 'ind al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Il me dit: alors, le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il l'adore sans rien lui associer. Voici le droit le plus immense. Et voici le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses frères avant lui. قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah nous dit dans le Coran, dit: voici ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était taxé sur le fait de faire sortir les gens des ténèbres du polythéisme, de l'ignorance et de l'injustice vers la lumière de l'islam, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la science et de la justice. Voici le droit le plus immense. Voici le droit auquel nous appelons les gens à revenir, auquel nous appelons les gens à étudier afin de s'en acquitter pleinement, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق نبيه ورسوله وخليله وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. et sans aucun doute le droit le plus immense après le droit de notre Créateur subhanahu wa ta'ala et le droit de sa meilleure créature et le droit de son meilleur prophète et le droit de son bien-aimé et le droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وإن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه القلب قبل اللسان هذا الموضوع يحرك القلوب قبل الألسن والأجساد أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله إلى الناس كافة رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله على حين فترة من الرسل هدى الله تعالى به الناس من الضلالة وأعز به من الذلة وجمع به من بعد الفرقة وجمع به من بعد الفقر من بعد الفرقة وأغنى به من بعد فقر وعالة فتح الله به آذانا سما وأعينا عميا وقلوبا غلفا محمد صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah. Son bien-aimé est la meilleure de ses créatures. La miséricorde qu'il a envoyée pour les mondes, il l'a envoyée à l'ensemble des djinns et des hommes afin de leur apprendre l'islam. C'est un annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui le suivront. Et c'est un avertisseur d'un châtiment douloureux pour ceux qui lui désobéiront. C'est une lumière pour celui qui cherche sa guidée. Allah l'a envoyé après une interruption de l'envoi de prophètes après que Isa alayhi salam fut élevé dans les cieux. Par sa cause, Allah a guidé les gens et les a sortis de l'égarement. Par sa cause, Allah a renforcé la croyance des gens, les a fait sortir de la pauvreté vers la richesse. Ils étaient aveugles, il leur a redonné la vue. Ils étaient sourds, il leur a redonné lui. Ils étaient divisés, il les a unis par sa cause. Nous devons donc nous montrer reconnaissants envers ce grand bienfait, l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager et miséricorde pour les mondes. Allah t'a comblé, cher frère, en te joignant à la communauté de l'islam, en te joignant à la communauté du Coran, le meilleur livre révélé, à la communauté du meilleur homme envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sayyidul awwalina wal akhirin. C'est la créature la plus noble. Et c'est le premier pour qui la terre s'ouvrira pour qu'il arrive ou pour qu'il soit ressuscité le jour dernier. Et amena la station du jour dernier et du jour des comptes. Par lui, Allah a complété la prophétie. Et il s'est levé afin d'appeler son peuple à la meilleure chose. Il est celui qui a accompli le plus grand travail. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى nous dit, et qui profère et qui dit de meilleures paroles que celui qui appelle Allah, fait de bonnes actions et dit je suis du nombre des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli sa mission. بلغ الرسالة وأدى الأمانة. Il a transmis le message. وحقوقه كثيرة عظيمة منها تصديق فيما أخبر. Et les droits de cet homme sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux et immenses. Le premier que nous citons ici, le fait de certifier l'ensemble de ses dires et de reconnaître la vérité, la véracité, pardon, de tous ses propos, que cela concerne le passé, que cela concerne le futur, ou les choses de l'invisible, comme le paradis et l'enfer. La balance et l'ensemble de ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela car, c'est le messager d'Allah. Et tout ce dont il nous a informé, lui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Et il ne parle pas selon ses passions, ça n'est qu'une révélation inspirée. Il nous dit également, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah nous ordonne d'avoir foi en lui, ainsi qu'en son message. ومن هذه الحقوق العظيمة طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. Parmi ses droits, le fait de lui obéir, d'obéir à ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. Allah سبحانه وتعالى nous dit: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah nous dit dans le Coran, et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Tu dois donc lui obéir et t'éloigner de sa désobéissance. Et sache que tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a ordonné, il y a le bien pour toi dans ce bas monde et dans l'autre. Et tout ce contre quoi il t'a mis en garde, sois certain que tout le mal réside dans le fait de le commettre. Il a plus de miséricorde envers toi que ta chère mère qui t'a mis au monde après t'avoir porté au minimum 6 mois. Il a plus de miséricorde envers toi que ta chère épouse qui partage tes nuits. Il a plus de miséricorde envers toi que celui qui t'apprend ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme Allah nous l'a décrit dans le Coran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِمَ عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Vous avez venu un messager ici d'entre vous. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Il est motivé quant à votre guidée. Et est envers les croyants miséricordieux et compatissant. Donc, lorsque vous parvient un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez le mettre en pratique. Et lorsque vous parvient un interdit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez vous en abstenir. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui se refuse. Au messager d'Allah, qui refuserait d'entrer au paradis? Il répondit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, voici celui qui se refuse. Subhanallah. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il disait: Ya Allah, moi je ne veux pas entrer au paradis. Avec ses membres, c'est comme s'il disait: je ne veux pas entrer au paradis. Wal'iyadu billah. Wa min huquqihi sallallahu alayhi wa sallam alla yu'badu Allah illa bima shara. Parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre sa sunna et de n'adorer Allah qu'à la façon dont nous a enseigné et nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhraja l'imam Bukhari wa Muslim min hadith Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: innama al-a'ma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire dans notre religion, son acte sera rejeté. Allah ne l'acceptera pas. D'accord. Peut-être que quelqu'un viendrait dire: mais moi j'ai trouvé tel shirk, personne. Alors je l'ai suivi. Je ne suis pas celui qui a ignoré cela. Alors on lui répond à la manière de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala dans son livre Al-Arba'in al-Nawawiyya. Il a ramené la deuxième version, celle de l'imam Muslim, en disant wa fi riwayatin li muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alim amruna fa warad. ففي هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في رد البدع والمحدثات النهي الصريح عن الابتداع في دين الله وعن متابعة البدعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous interdit d'innover dans la religion d'Allah et de suivre l'innovation. De cela nous comprenons la grande nécessité d'apprendre qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa voie, afin de voir nos actions acceptées chez Allah. Car Allah n'accepte pas les actions, si ce n'est avec deux conditions, la première, la sincérité, et la deuxième, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit wa daruratu معرفة سبيل الرسل أو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرورة الروح إلى بدنه والعين إلى نورها والبدن إلى حياتها إلى حياته أو كما قال رحمه الله تعالى ابن القيم نجي. L'importance de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus immense que la nécessité, ou bien la nécessité de connaître la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa vie est plus immense que la nécessité de l'âme du corps et du corps de la vie et de l'œil de sa lumière. Tu as plus besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a besoin ton corps de son âme. Subhanallah. Pourquoi cela? Si tu perds ton âme, tu perds la vie. Wal mawtu la budda min. Qad kataba Allah al-fana ala kulli shay. Allah a écrit la mort pour toute chose. Donc innaka mayyit. Tu vas mourir sans aucun doute. Mais celui qui perd le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant d'avoir perdu son âme. Et s'il n'adore pas Allah azza wa jal et ne suit pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'éloigne de sa religion, il aura à rentrer en enfer éternellement. Il aura à rentrer en enfer éternellement. Lorsqu'on te retire ton âme, tu es coupé de ce bas monde. Et ce bas monde n'a aucune valeur chez Allah azza wa jal. Mais lorsque tu es coupé de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras coupé du paradis. Et est-ce qu'on se lève pour la prière du Fajr? Est-ce que nous venons prier à la mosquée? Est-ce que nous sommes bienfaisants vers nos parents? Est-ce qu'on dépense de notre argent si ce n'est pour avoir l'agrément d'Allah puis entrer dans son paradis? Donc prenez conscience de l'importance de ce sujet et de l'apprentissage de la voie et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir cité cela, chers frères, nous allons nous attarder bihaqqin sur deux points, sur deux droits qui font partie des droits les plus importants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les droits qui font bouger les cœurs, qui font couler les larmes et qui motive le musulman dans sa religion et qui pousse le non-musulman à avoir du respect pour cet homme qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ. Et cela afin que vous ayez foi en Allah, en son messager, et que vous lui portiez secours. التعزير للرسول صلى الله عليه وسلم من حقه أي تأييده ونصرته. Tu as l'obligation, et cela fait partie des droits de ton messager sur ta personne صلى الله عليه وسلم, de le secourir. Quelqu'un pourrait dire, comment pourrais-je secourir le prophète صلى الله عليه وسلم après son décès? Cela a été décrit dans le Coran. Cela a été décrit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les récits des pieux prédécesseurs. Tu peux le secourir en apprenant sa religion, en apprenant sa vie, en mettant en pratique l'islam comme il l'a mis en pratique. Et en enseignant aux gens qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans. Car nous sommes dans une époque où l'injustice se répand et où le mensonge touche la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien il est calomnié ces derniers jours, mais cela ne lui nuit en rien. Inna kafayna kal mustahzi'in. Car Allah subhanahu wa ta'ala le protège de tout cela. Mahabbatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa nusratu min a'zamil qurubat wa ahabbaha ila Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'aimer le messager d'Allah et de lui porter secours et de secourir sa sunna, sa tradition, fait partie des actions les plus aimées chez Allah et des meilleures façons de se rapprocher de lui. Subhanahu wa ta'ala. ولأهمية اتباع هذا الرسول وحبه جعل الله تبارك وتعالى متابعته علامة وضيحة واضحة لصدق حبك لربك. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivi de sa voie a une place tellement importante chez Allah qu'il en a fait un signe par lequel nous allons reconnaître le véridique du menteur dans l'amour qu'il prétend avoir pour son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis, si vous aimez Allah, si vous êtes véridique dans cela, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc si tu aimes Allah et tu es véridique dans cela, tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les causes qui poussent à aimer une personne sont multiples. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam car Allah l'a aimé. بل اتخذه خليلا كما اتخذ الله ابراهيم خليلا. Nous l'aimons car Allah l'a élevé dans son amour au plus haut degré de l'amour. El khulla a'la darajat al hub ou al mahabba. Allah a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son amour au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Wal mu'min al muwaffaq yuhibbu ma yuhibbuhu Allah. فَإِنَّ مِنْ مَحَبَّةِ الْحَبِيبِ مَحَبَّةُ مَا يُحِبُّ. Parmi l'amour du bien-aimé, le fait d'aimer ce qu'il aime, le fait d'aimer ce qu'il aime, lorsque tu aimes Allah, ou lorsque quand, du fait que tu aimes Allah, tu dois aimer ce qu'il aime. Et Allah a aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc l'aimer. Donc le musulman aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam car Allah l'a aimé. Parmi les causes qui poussent à aimer une personne, il y a son bon comportement et ses nobles caractères. Wa huwa sallallahu alayhi wa sallam kama qala rabbuna wa innaka la ala khuluqin azim. Dhush shama'il tayyibah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme Allah l'a décrit dans le Coran, et tu as certes un comportement exemplaire. Tu es certes d'une moralité imminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé dans son comportement. Allah l'a purifié, lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Tu aimes les gens de par leur bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement. Avec les enfants, lorsqu'il les croisait, il les saluait et leur caressait la tête comme dans le hadith de Anas. Avec ses épouses, il était à leur service et lorsqu'il entendait l'appel à la prière, il sortait. Il n'a jamais levé sa main sur une femme ni sur une esclave. Anas ibn Malik nous dit, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit d'une chose que j'ai faite. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Subhanallah. Pendant 10 ans. Qui patiente sur son enfant une semaine sans lui faire des reproches? Ou sur son épouse? Et sans aucun doute, un enfant de 10 ans a des manquements. Tout cela pour que vous ayez connaissance du noble caractère de votre messager et prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa douceur s'est même répercutée sur les animaux. Sur la végétation, subhanallah, sur les montagnes, sallallahu alayhi wa sallam. Il a interdit de couper un arbre sans nécessité. Il a ordonné le bon comportement envers les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il nous a appelés vers tout le bien, nous a mis en garde contre tout le mal. Tu peux être poussé à aimer une personne de par sa belle apparence et l'embellissement qu'Allah lui a donné. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une apparence des plus magnifiques, des plus resplendissantes. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit: Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu nous dit: Ma ra'aytu shay'an qat ahsan minhu sallallahu alayhi wa sallam, muttafaqun alayhi. Al-Bara ibn Azib nous dit: je n'ai jamais vu une chose plus belle que lui sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala wa kana wajhu mithl al-qamar ay mustadiran qalilan fi kana lami'an munawwaran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage qui était un petit peu arrondi. Son visage était brillant. Son visage était illuminé et rayonnant, sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Samura nous dit: Raitu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi layla dhati qamar aw tudhi'u القمر وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إليه وهو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. سبحان الله. جابر بن سمرة nous dit: un soir où la lune resplendissait, je l'ai regardé. Il y avait le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et je l'observais. J'ai regardé la lune. Ensuite, j'ai regardé le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, il était à mes yeux encore plus beau que la lune. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Anas: ma masistu hariran wala shay'an kana aliyan min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa la shamimtu وشممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. أنس بن مالك نجي: je n'ai jamais touché de la soie plus douce que la paume du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, que sa main. Et je n'ai jamais senti une odeur plus bonne que celle de la sueur du prophète صلى الله عليه وسلم. Et elle sentait, elle avait une odeur encore plus agréable que le parfum et le musc. والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. وأسألكم هل وجدتم من أحسن إليكم من البشر مثل إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم. Le cœur naturellement penche vers celui qui lui fait du bien. Et ici, chers frères, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une créature d'Allah qui vous a amené plus de bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Quel bien nous a-t-il ramené? Le meilleur bienfait par lequel Allah comble ses serviteurs, est l'islam. Quel bien nous a-t-il amené? La science, est le Coran. Quel bien nous a-t-il amené? Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de l'islam et la connaissance de sa personne. Il n'y a pas une autre bonne action que tu mettes en pratique, comme prière, jeûne, pèlerinage, sans que la cause de cela soit l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نحبه لكمال رأفته ورحمته بنا. On l'aime également car il avait une grande miséricorde et pitié envers sa communauté et envers nous. Nous l'aimons car il nous a aimés. Sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a aimé toi mon frère. En disant وَدِدْتُ أَنْ أَكُونَ مَعْ إِخْوَانِي. Subhanallah. Il dit à ses compagnons, j'aurais tant aimé être avec mes frères. فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ. Ne sommes-nous pas tes frères? Il a répondu, أَنْتُمْ أَصْحَابِي. Vous, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi. Mes frères sont ceux qui viendront après moi. Croiront en moi alors qu'ils ne m'auront pas vu. La ilaha illallah. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Wallahi, de cela nous devons nous réjouir. C'est bien mieux que tout ce que peuvent amasser les gens de ce bas. Anta akhu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Idha iftakhara fulan bi nasabihi wa bi malihi wa bi hisbihi iftakharna bi habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens viennent à toi pour se vanter de leur lien leur rang social, leur argent, leur lignée, leur nom de famille, leur couleur, leur argent. Réponds-leur que toi, tu ne te vantes que d'une chose. De l'islam par lequel Allah t'a comblé. Et d'être le suiveur et le frère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'aimer alors que lui nous a aimés et aurait espéré nous voir sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, min ashaddin nas, min ummati li hubban, man jaa ba'di, yawaddu ahaduhum law an ra'ani bimalihi wa ahli. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, parmi ceux qui m'aiment le plus de ma communauté, il y a des gens qui auraient espéré me voir, eurent-ils dû donner leur famille et leur argent en rançon. Subhanallah. Min ashaddi ummati li hubban. Man ya'ti يَوَدُّ أَحَدٌ لَوْ أَنْ رَآنِي بِمَالِهِ وَأَهْلِي. Pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient même donné leur famille et leur argent. Tellement ils auraient aimé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les hadiths qui nous démontrent parfaitement combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé sa communauté et combien il a eu peur pour eux du feu de l'enfer, et combien il a dépensé de sa vie pour nous sauver du feu de l'enfer par la cause d'Allah, par avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith suivant. Abdullah ibn Amr al-As nous dit, comme a rapporté l'imam Muslim, tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qawl Allah fi Ibrahim in tu'adhibuhum fa innahum ibad afwan رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما فقال أمتي أمتي أخاف على أمتي، أرجو الخير لأمتي. فرجع جبريل فقاله الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a récité la parole d'Allah concernant Ibrahim. Ibrahim a dit, comme c'est venu en sourate Ibrahim: ô mon Seigneur, elles ont égaré de nombreuses personnes, c'est-à-dire les idoles et l'adoration des idoles. Celui qui me suit fera partie de moi. Et celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et miséricordieux. Ensuite, il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant Isa. Isa dit: si tu leur pardonnes. Donc ici, si vous voyez bien, ça concerne la parole des prophètes et la crainte qu'ils ont eue du feu de l'enfer pour leur peuple. Isa a dit: si tu les châties, ce sont tes esclaves, tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à lever ses mains et à invoquer Allah et a dit: ma communauté, ma communauté. Oh Allah, sauve ma communauté. Oh Allah, j'ai peur pour ma communauté du feu de l'enfer. Oh Allah, protège ma communauté. Et il s'est mis à pleurer sallallahu alayhi wa sallam. الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي لأجلك أولا تبكي لنفسك. Le prophète صلى الله عليه وسلم pleure pour toi. Ne vas-tu pas pleurer pour toi-même? Ne crains-tu pas le feu de l'enfer? N'as-tu pas peur d'être éloigné du paradis et de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète صلى الله عليه وسلم a pleuré par peur pour nous du feu de l'enfer. Ensuite, Allah a dit à Jibril: ô Jibril, va voir Muhammad et demande-lui ce qu'il attriste et son Seigneur est plus savant. Lorsque Jibril lui a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ma communauté, ma communauté. Alors Allah a renvoyé Jibril et lui a dit: va voir Muhammad et dis-lui, tu seras satisfait de ce que nous ferons de ta communauté. Tu seras satisfait de ce que nous ferons de ta communauté. Et tu ne seras pas déçu. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadithun azim wallah. Fahadhi l'umour taj'aluna nuhibbu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque prophète a une invocation qui est acceptée chez Allah. Ils l'ont tous utilisé, excepté moi. Je l'ai gardé pour le jour du dernier. J'intercéderai pour ma communauté, pour tous ceux qui seront morts sans avoir associé quoi que ce soit à Allah.